étrange que le chagrin ne refleurisse jamais en vain. Que nous soyons orphelins de la sagesse des anciens. Mais il faut que l'on s'enchante, que notre jeunesse plaisante, qu'elle croit au lendemain qui chante comme seule réponse à ses attentes. C'est étrange que pour apprendre la joie d'aimer et de s'éprendre, nous devions d'abord attendre que nos cœurs veuillent bien se fendre. C'est étrange que le temps que l'on traverse innocent cette arrogance, car c'est la plus basse et démence que d'être champion de cette suffisance. C'est étrange que pour apprendre la joie d'aimer et de s'éprendre,